et bienvenue dans l'univers sanglant de Dracula. Minuit. Voilà que j'entends à nouveau ce rire argentin, musical. Ce tintement qui se propage dans les couloirs du château. Hier, tandis que la diligence me conduisait ici, je me rappelle distinctement avoir eu la sensation de quitter l'ouest pour m'enfoncer dans l'est. À peine finissaient les collines du Mittelland que les pics des Carpates surgirent devant nous. Le soleil diminua et les roches escarpées furent avalées par l'ombre et la nuit. Je me sentis gagné par une peur irraisonnée, une frayeur d'enfant. Je me consolais en pensant à Mina. Assise en face de moi, une vieille paysanne, une de ces femmes hantées de superstition, murmurait les mots « Ordog » et « Nosferatu ». Elle insista pour enrouler autour de mon cou un crucifix en bois. Je cherchais des yeux les sourires moqueurs des autres passagers. Ils s'étaient tous mis à trembler. La paysanne refusa la pièce que je lui tendais pour sa breloque. J'avais hâte de quitter ces gens pour la compagnie du comte, mon client, dont je devinais au message qu'il m'avait laissé à l'auberge le raffinement aristocratique, l'élégance des manières et le goût. Mon ami, bienvenue dans les Carpates. Je vous attends avec impatience. Dormez bien cette nuit. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans mon merveilleux pays. Votre obligé... Dracula. Je lui portais l'acte d'acquisition d'une abbaye en Angleterre. J'étais loin de soupçonner que mon séjour allait se transformer en une longue nuit d'effroi. Bonjour Marc Poré. Bonjour. Vous êtes angliciste, professeur émérite de l'ENS. Vous êtes l'auteur de Dracula Gramophone. C'est un article paru dans la revue Lisa en 2009. Nous voici plongés, on l'a entendu, dans l'univers sanglant par excellence, c'est l'univers de Dracula. Pouvez-vous nous faire le portrait de Dracula ? Oh, il y a bien des Dracula. Je crois qu'il faut distinguer entre les croyances aux vampires et puis la littérature vampirique. On peut dire une chose sur laquelle chacun peut s'entendre, je crois, à savoir qu'il y a toujours eu des vampires. Les vampires remontent à la nuit des temps. Dans toute culture, dans toute civilisation, il y a eu ces créatures qui, assoiffées de sang, vivent la nuit et n'ont qu'une idée en tête, à savoir s'alimenter, se nourrir. Se nourrir de sang. Se nourrir de sang, parasiter. Je crois que Michel Serres a écrit un beau livre sur le parasite, à savoir qu'un parasite, ça vit toujours sur un hôte. Eh bien, le vampire, c'est ça. C'est d'abord un parasite qui a besoin d'un hôte pour se nourrir et qui a une vie réglée. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de faire l'éloge du vampire, mais le vampire a une vie parfaitement réglée, a une vie sérialisée. Et on ne s'étonnera pas de ce que les vampires, et Dracula en particulier, mais les vampires en général, aient à ce point nourri la littérature sérielle, les séries télévisées. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose dans la vie du vampire, tel qu'on se l'imagine, tel qu'on se la représente, qui est formaté. Je veux dire, qui entre pile poil dans le format d'une série. C'est-à-dire que c'est une existence répétitive, il faut toujours reprendre sa tâche. Et puis, chaque nuit, aller sucer le sang. Et puis c'est parfaitement réglé, c'est-à-dire qu'au chant du coq, le vampire, hop, rentre dans sa petite maisonnette. Et puis le soir, il ressort. Donc tout ça est parfaitement réglé. Et donc, encore une fois, il y a une adéquation parfaite entre la culture contemporaine, preuve de la pérennité du vampire, parfaitement médiatisée, et puis l'existence du vampire. Et quelle est l'importance du sang dans cette histoire de vampire ? Est-ce que c'est le sang qui contribue justement à ce côté sériel, réglé et populaire du vampire ? Oui, populaire, vous avez raison de dire populaire, parce que il y a dans cette croyance que j'évoquais quelque chose qui fait que on croit Enfin, vous savez, ce mot célèbre, je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. C'est la formule de qui ? C'est la formule d'une amie très proche de Voltaire, dont j'oublie ici le nom, mais c'est contemporain des Lumières. Hein. Je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur. Eh bien, on pourrait dire que on a toujours peur des vampires, hein, même si on n'y croit pas. On a peur, pourquoi ? Parce que ça touche à quelque chose d'assez fondamental qui a à voir avec le sang, justement, c'est-à-dire la vie. Finalement, la vie dans sa proximité, dans sa contiguïté avec la mort. La vie et la mort. Et on pourrait dire que ça n'est que tardivement au XVIIIe siècle que s'introduit un ingrédient supplémentaire, à savoir l'amour. Mais au départ, hein, le sang, c'est le sang de la vie pour essayer de contrecarrer la mort. Hein. Je rappelle que les vampires sont des non-vivants, undead en anglais, hein, une sorte de contradiction dans les termes. Ils sont morts sans l'être. Quelque part, et la caractéristique première du vampire, j'aime à noter ça, c'est que dans la tombe, lorsqu'on ouvre le cercueil, on s'aperçoit que le vampire en question ne présente pas les caractères de la rigidité cadavérique. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut rebondir, il peut repartir dans une forme de vie, grâce au sang, justement. Et le sang constitue ce fluide, hein, qui va remettre en mouvement le vampire. En anglais, il y a une expression qui est la suivante. On aime à comparer ou à contraster plus exactement les vivants et les morts. Sauf qu'en anglais, ça se dit pas the living and the dead, ça se dit the quick. Et the quick, c'est-à-dire les rapides, les prompts, les vifs. Hein. Et il y a quelque chose dans ce besoin de sang de nature à alimenter, hein, les fonctions vitales, c'est-à-dire à les faire repartir dans une sorte de dynamique. Il y a une dynamique du vampire. Oui, mais le paradoxe, c'est que cette dynamique n'est jamais suffisante, c'est-à-dire qu'elle doit sans cesse être renouvelée. Elle est constamment frustrée. Voilà, hein, le principe premier de l'existence vampirique, c'est la répétition et la frustration. Et donc, du coup, on pourrait dire, on anticipe beaucoup, on y reviendra peut-être dans le cours de cette discussion, mais le film de Coppola, lui, comment dirais-je, a la prétention de vouloir pulvériser, finir, achever au sens d'exécuter, hein, mais aussi de parachever le vampire, c'est-à-dire de lui attribuer une fin définitive. Or, ça, c'est la négation même, hein, du principe vampirique, si le principe existe. Il ne meurt jamais et il ne vit jamais. Et il ne vit jamais. Il est toujours dans l'entre-deux, il est toujours dans l'interstice, il est toujours dans cet état, oui, intermédiaire, hein, qui fait que on ne peut jamais le saisir. Il est insaisissable. En anglais, on dirait elusive, c'est-à-dire qu'il échappe toujours. Évanescent. Évanescent. Et puis, il a cette faculté aussi à, comment dirais-je, circuler sous toutes les formes. Hein, un peu comme le sang, finalement. Oui, c'est un principe de circulation. Hein, je veux dire, c'est un Anglais, hein, qui a découvert la circulation du sang. Descartes a cherché à contester ce principe, mais le vampire circule et il est métamorphique, c'est-à-dire qu'il prend toutes sortes de formes. Certes, il a l'apparence physique, hein, d'une personne humaine, mais il a une faculté propre au récit fantastique à se, comment dirais-je, couler dans toutes sortes de manifestations, de phénomènes. Il peut passer dans la brise, dans l'air, il peut passer dans le brouillard. Hein, il y a des scènes de brouillard, de brume dans le film de Coppola, hein, qui montrent à quel point, effectivement, le vampire peut se glisser partout par un interstice quelconque et entreprendre sa mission première qui est de mordre, bien sûr, de sucer dans un deuxième temps, d'avaler donc le sang et puis ensuite de répandre, de contaminer, d'infecter. Hein, le principe vampirique, encore une fois, c'est un principe de dissémination et de contamination. Et ça nous ramène, même si on n'aime pas y penser, au virus, quoi, je veux dire. Hein, il y a quelque chose de viral dans le vampire. En 1897 paraît le grand roman gothique de Bram Stoker. C'est notamment en fait de ce roman dont on va parler aujourd'hui, Marc Porré. Donc ce roman de Bram Stoker paraît en 1897 en pleine période victorienne. En quoi Bram Stoker donne-t-il une vie particulière au vampire, à ce vampire et dans cette époque-là? Oui. Ce qu'il donne de particulier, c'est qu'il prend le mythe du vampire au sérieux. Il est le premier auteur dont on peut dire qu'il a entrepris des recherches sur le vampire. Hein? Il aura mis une petite dizaine d'années à rédiger son roman. C'est un gros roman, hein, comme aime à se présenter les romans victoriens. C'est un roman touffu, dense. C'est d'abord un roman et puis c'est en même temps beaucoup plus qu'un roman. Hein? On pourrait dire que c'est un dépôt de ou un gisement de savoir, de peur. Et de désir. Hein. Dépôt de savoir, commençons par là. Je me répète, mais Stoker a accompli des recherches au British Museum. Il avait un peu de temps. Il travaillait beaucoup comme régisseur d'un théâtre. Mais il avait du temps libre. Il aimait écrire et surtout faire des recherches. Il a aussi rencontré dans le cadre de ses recherches, un professeur hongrois en langues orientales, il faut toujours fréquenter les profs de Langso, qui l'a initié à Vlad l'Empaleur, qui l'a initié à l'histoire roumaine de la Roumanie. Et donc, la première caractéristique, c'est qu'il y a un véritable savoir vampirique à l'œuvre dans son roman. Son roman est romanesque, Dieu sait s'il l'est. Hein. C'est un roman d'aventure, plein de rebondissements, qui nous tient en haleine. Mais c'est d'abord... Et moi, j'aime à faire cette comparaison, même si elle est un petit peu, comme ça, de prime abord, un peu surprenante, mais faire le rapprochement entre le Moby Dick d'Herman Melville et puis donc le Dracula de Bram Stoker. Le Moby Dick de Melville contient tout un savoir cétologique, savoir sur la baleine, je veux dire dans ses moindres coutures. Hein. Eh ben, on pourrait dire, mutatis mutandis, que le Dracula de Stoker est rempli jusqu'à la gorge, jusqu'à la gueule, d'un savoir. Donc ça, c'est la première caractéristique. Un savoir qui est un savoir historique, qui est un savoir culturel, on dirait aujourd'hui, un savoir anthropologique, hein, et un savoir qui est a priori à chercher dans une région du monde, hein, qui à cette époque-là, mais ça n'a pas beaucoup changé, à savoir l'Europe centrale, l'Europe orientale, constitue un puissant creuset d'abord, hein, de culture, un brassage de population, une zone de passage, on verra plus tard dans un des textes, une zone de conquête. Mais cette zone, on le sait aussi, va constituer une sorte de creuset, hein, assez explosif, et c'est de là, quelque part, que sortira la première grande guerre de 14-18. Donc, l'Europe centrale, il y a là quelque chose d'exotique, il y a quelque chose d'oriental, on a entendu, hein, dans le premier extrait, que... Qui est l'ouverture. Hein, qui est l'ouverture dans le film, et qui instaure le passage, justement, le franchissement d'une frontière, d'un limès, hein, de la limite qui sépare l'Occident de l'Orient. On est entré, hein, je m'envolais vers l'Orient compliqué, comme disait le grand autre, Jonathan Harker, pénètre, s'enfonce, on a entendu ça, ce terme-là, dans cet Orient compliqué, hein, dont il va essayer de démêler les histoires, mais à son corps défendant. Et donc, il y a le savoir. Ça, c'est le premier aspect. Ce savoir est un savoir livresque. Hein, Stoker était assez fier de dire qu'il n'avait jamais mis les pieds en Europe centrale. Il sera allé partout, hein, je veux dire, dans le cadre de son activité de régisseur, pour son théâtre. Il sera allé aux États-Unis, il sera allé dans bien des pays d'Europe, mais jamais en Europe centrale. Et donc, du coup, c'est une connaissance qui est entièrement livresque. Mais qui s'avère extraordinairement documentée d'abord, mais aussi précise et fine. Et puis, deuxième type de savoir, ça c'est un petit peu ce que j'avancerai, à savoir que ce savoir-là, pour paraphraser William Marx, est un savoir gai. William Marx a publié il y a quelques années aux éditions de Minuit un beau livre qui s'appelle Le savoir gay. Pas le gay savoir, mais le savoir gay, G-A-Y, c'est-à-dire le savoir sur l'homosexualité, le savoir de l'homosexualité dans une culture hétérosexuelle. Alors, soyons très précis, Bram Stoker n'est pas considéré comme homosexuel. Et même sur la fin de sa vie, en 1910, peu de temps avant sa mort, il meurt en 1912, il naît en 1847, peu de temps avant sa mort, il écrit un texte au vitriol selon lequel il faut absolument proscrire, condamner, censurer à mort toute cette littérature immorale, et le terme à l'époque immoral était suffisant pour servir de code, de signal. Immoral, ça voulait dire la littérature produite par les homosexuels, en particulier la littérature des débauchés, la littérature de ces décadents. Donc, il n'y a pas de rapport, évident, sauf que il y a une foule de détails qui font que Bram Stoker d'abord a été l'ami d'Oscar Wilde. Il avait 7 ans de plus qu'Oscar Wilde, et ils ont eu quasiment une sorte d'existence parallèle. C'est-à-dire que tous deux sont des Irlandais, tous deux ont fait leurs études à Trinity College, et Bram Stoker était assez fier de pouvoir dire qu'il était meilleur étudiant que Oscar Wilde, qu'il était meilleur sportif que Oscar Wilde. Parce que de fait, Bram Stoker, jeune homme, a brillé aussi bien dans ses études de sciences, de mathématiques, sur le terrain, il jouait au rugby. Et c'était un grand colosse qui faisait une armoire à glace, comme on dirait aujourd'hui. Il faisait à peu près près d'un mètre 90. Après avoir connu une enfance souffreteuse, malingre, chétive pendant 7 ans, les 7 premières années de sa vie, il n'a pas quitté son lit quasiment. Et c'est là où sa mère et sa nourrice lui racontaient toutes sortes d'histoires, dormir debout, toutes sortes d'histoires puisées du folklore irlandais avec des histoires de fantômes et peut-être même déjà des histoires de vampires. Donc je poursuis mon parallèle. Il faut aussi savoir que Bram Stoker a épousé la jeune femme que Oscar Wilde a courtisée. C'est-à-dire que Bram Stoker a subtilisé au nez et à la barbe d'Oscar Wilde la femme de ses rêves d'une certaine façon. Bon, et puis ce qu'ils avaient aussi en commun, outre l'amour du théâtre, un amour éperdu du théâtre et de la figure notamment de l'acteur, du bel acteur, quel bel homme, Henry Irving, dans l'ombre duquel Bram Stoker a vécu quasiment toute sa vie. Mais tous les deux, Oscar Wilde et lui, partageaient une sorte de passion pour Walt Whitman et sa poésie ouvertement homo-érotique, disons. Il faut bien reconnaître que dans le roman, sous couvert de mettre en scène une forme d'hétérosexualité tout à fait, comment dirais-je, comme il faut, normative, normative absolument, hétérosexualité du couple formé par Jonathan Harker et Mina Murray, hétérosexualité, je dirais, de Dracula, à l'occasion qui attire les jeunes filles plutôt, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Il se comporte en prédateur, mais en prédateur quasi exclusivement de jeunes filles, de jeunes femmes. Sauf que si on commence à regarder dans le détail, on s'aperçoit que en Transylvanie, dans son château des Carpates, dans le premier tiers du roman, il y a manifestement une attirance très forte éprouvée par le vieux comte Dracula envers la figure du jeune homme qu'est Jonathan Harker, n'est-ce pas ? Il y a là comme une pulsion homosexuelle qui est à l'œuvre, qui est assez vite refoulée, mais qui est là, qui existe, qui transpire et qui se dissémine. C'est le propre, encore une fois, du vampirique, de se disséminer, qui va se disséminer dans le reste du roman pour marquer, pour façonner l'amitié virile, la camaraderie, ce qu'on appelle en anglais male bonding. Il n'y a pas de bonne traduction, mais bon, c'est le principe de la fraternité qui unit les hommes, qui sont solidaires entre eux, contre les femmes, et bien évidemment. Eh bien alors, je vous propose, Marc Poré, qu'on commence à rentrer plus précisément dans l'histoire de Dracula, puisqu'on va écouter tout de suite un texte dans lequel on entend Jonathan Harker raconte la conversation qu'il a eue avec le comte Dracula, ce qui nous permet d'aborder justement cette idée de relation entre deux, et puis le sang aussi comme idée de la race. Welcome to my home. Count Dracula. I am Dracula. And I bid you welcome, Mr. Hart. Veuillez m'excuser de ne pas me joindre à vous. Mais j'ai déjà copieusement dîné. Et je ne bois jamais de vin. Minuit. J'ai longuement parlé avec le comte. Je lui ai posé quelques questions à propos de l'histoire transylvanienne et le sujet l'a étonnamment stimulé. Lorsqu'il parlait des événements et des gens, et en particulier des batailles, il s'exprimait comme s'il avait été présent en toutes ces circonstances. Ce qu'il expliqua ensuite en disant que chez tout boyard, ce qui fait la fierté de sa dynastie et de son nom fait sa fierté propre, que leur gloire est sa gloire et que leur sort est le sien. Chaque fois qu'il parlait de sa dynastie, il disait « nous » et il utilisait presque toujours le pluriel comme lorsque s'exprime un roi. Ses paroles semblaient englober toute l'histoire de son pays. « Nous autres, c'est clair, pouvons être légitimement fiers, car dans nos veines coule le sang de maintes races courageuses qui ont combattu comme combat le lion pour la domination. » Ici, parmi le méli-mélo des races européennes, la tribu ougrienne apporta depuis l'Islande la combativité qu'elle a reçue de Thor et d'Odin, et dont leurs berserques firent montre avec tant de férocité sur les rivages d'Europe, certes, mais aussi d'Asie et d'Afrique, jusqu'à faire croire à ceux qui peuplaient ces contrées que les loups-garous étaient venus en personne. Ici même, à leur arrivée, ils trouvèrent les Huns, dont la fureur belliqueuse avait dévasté la terre comme une flamme vivante. Au point que les populations moribondes estimaient que dans leurs veines courait le sang de ces vieilles sorcières qui, expulsées de Siki, s'étaient accouplées avec les démons du désert. Quels imbéciles! Quels imbéciles! Y eut-il jamais sorcière ou démon aussi grand qu'Attila, dont le sang habite les veines que voici? France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait de Dracula de Bram Stoker, le roman de 1897, le chapitre 3, interprété ici par Frédéric Pierrot. On entend bien dans ce texte, Marc Poré, le sang ici comme le signe de la race. On entend le comte de Dracula insister, j'irais presque lourdement, sur cette idée que le sang atteste de notre extraction. Et en même temps, il y a déjà un paradoxe, puisque le sang atteste à la fois de la pureté d'un nous, d'une origine, et en même temps, il insiste tout de suite sur, je cite, le méli-mélo des races européennes. Le sang ici est véritablement presque une signature de l'identité. Oui, une signature de l'identité, une identité qui effectivement fait polémique, enfin je veux dire qui est problématique, celle de la race, hein, la pureté de la race, enfin je veux dire ça n'est pas pour rien si l'idéologie nazie puisait directement à même ces deux notions que sont Blut, D'un côté, le sang est Boden, la terre de l'autre. Hein, c'est-à-dire ici, on a affaire à une terre qui a été irriguée, fertilisée, baignée dans le sang des massacres, dans le sang des guerres, des conflits qui n'ont cessé d'agiter cette région du monde. Et de fait, comme vous le disiez, je crois qu'il faut entendre le comte dans ce qu'il a à dire. Hein, si le comte m'était compté, sauf qu'ici, il se raconte lui-même directement. Exactement, la première personne, hein, ce n'est pas souvent dans le roman, je fais cette parenthèse, qu'on l'entendra aussi ouvertement. On donne la parole directement, voilà, au bourreau presque. Exactement, le bourreau, hein, et la fierté du bourreau, du conquérant, du barbare, du hein, de, je veux dire, partout où il passe, l'herbe ne repousse pas. Hein, c'est le sang d'Attila qui coule dans ses veines. Et il y a là quelque chose qui fait que... vous me demandiez tout à l'heure quelle était la spécificité du vampire selon Stoker. Je dirais que c'est une spécificité politique, c'est-à-dire qu'il y a une politique du sang, politique de la pureté du sang, de la lignée, de l'extraction, des origines, de l'ascendance. Hein, ça n'est pas pour rien si les vampires sont souvent des aristocrates. C'est le sang bleu qui coule dans les veines du vampire. Hein. Mais à la différence d'une autre représentation, je dirais, tout aussi stéréotypée du vampire qui le voit toujours en aristocrate, mais plutôt en fin de race, c'est-à-dire l'aristocrate. C'est ça, l'aristocrate décadent, efféminé, qui n'a plus de force ici. On entend ça dans les paroles du vampire. Il se fouette le sang, d'ailleurs, en évoquant de façon épique son passé glorieux. Il y a une quête de la virilité. Il y a une quête du surhomme. Il y a une quête de la force. Le sang, c'est la force. Et le Dracula de Stoker n'a rien, encore une fois, de cet aristocrate plus ou moins... décadent. Au contraire, il est au plein de sa force. Il est au plein de sa force, et on pense à ce texte de Simone Veil sur l'Iliade, d'Homère, sur le poème de la force. C'est effectivement cette force brutale qui réduit l'homme à l'état de chose, qui le rend cadavre, et qui fait qu'il y a là quelque chose d'insupportable. Mais encore une fois, c'est la puissance. Laquelle puissance nourrit en retour? Tout à l'heure, je disais que Dracula, le roman, était un dépôt de savoir, mais aussi de crainte, de peur, d'angoisse. Eh bien, l'angoisse symétrique, c'est l'angoisse de l'Occident qui va voir débarquer, littéralement, au nord de l'Angleterre, qui va voir arriver ce conquérant, qui entend ressusciter la geste, la saga de la conquête, et qui va mener une conquête à rebours, à l'envers, c'est-à-dire la crainte des Anglais, la crainte des Britanniques, exprimée ici de façon fantasmée, diffuse, c'est de voir débarquer une race qui sera plus forte, plus virile, plus pure que la race anglo-saxonne, qui commençait à donner des premiers signes de déclin. Nous sommes, encore une fois, en 1897, c'est la fin de siècle, c'est la fin du siècle, et l'Angleterre, qui est pourtant au fait de sa gloire, commence à entendre des petits craquements, des petites fissures dans l'édifice, et la figure du vampire va incarner cette peur de l'étranger, qui va venir, pardon pour la formule, elle est sans doute déplacée, je m'en excuse par avance, mais qui va remplacer la race anglo-saxonne. C'est-à-dire que se rejoue ici le fantasme du grand remplacement. Qui est un thème qu'on entend beaucoup actuellement. Effectivement, c'est étonnant de l'entendre, en fait, de l'en sentir préfiguré dans ce roman de Bram Stoker. Mais ce qui veut, si je vous suis bien, Marc Bourret, ça veut dire que le sang est véritablement le lieu d'une lutte où on a d'un côté un modèle du sang qui doit être pur, de la pureté du sang, et en même temps, on a aussi le sang qui est aussi le lieu d'une contamination, de l'altérité. Donc là, on a vraiment pureté versus impureté, identité versus altérité. Voilà, et on a toutes les contradictions qui constituent le mythe. Je crois que c'est Lévi-Strauss qui dit ça, qu'un mythe se constitue toujours à partir de contradictions, et les contradictions sont là, effectivement. La pureté des uns, c'est la pollution des autres, et vice-versa, enfin, je veux dire. Hein. Et donc, on voit à quel point Stoker a mis en marche, en mise en route, une mécanique qui est la mécanique des guerres, des conflits, mais qui est une mécanique absolument polémique, enfin, je veux dire, qui se fonde sur la politique. J'aime à dire une chose, à savoir que dans son patronyme, sans le savoir ou en le sachant, Bram Stoker incarne quelque chose qui a à voir avec le fait d'attiser les peurs, de fomenter la guerre. En anglais, effectivement, to stoke up, ça veut dire remettre du charbon dans la chaudière. C'est-à-dire que... Faire mettre de l'huile sur le feu. Exactement, souffler sur les braises. Mmh. Il y a, sans le vouloir, parce que Bram Stoker avait toute l'apparence du bon victorien. Il était marié, je l'ai dit, il avait un enfant, un fils, et puis toute sa vie, il a eu cette existence réglée. Sauf que... Il apparaît que il meurt de syphilis. Ah bon, tiens, nous autres victoriens syphilitiques. Et que donc ce Bram Stoker là se plaisait sans doute à répandre, à diffuser des peurs sourdes, plus ou moins avouées, que ce roman permet de mettre au jour. Et on peut dire aussi, on va écouter un autre texte, Marc Poré, mais on peut dire aussi que Bram Stoker s'est amusé à exciter véritablement pas seulement des peurs, mais aussi des fantasmes. Je vis quelque chose qui me remplit d'horreur jusqu'au tréfonds de l'âme. Là gisait le comte, mais on aurait dit qu'il avait en partie retrouvé la jeunesse, car la blancheur des cheveux et de la moustache s'était muée en une teinte sombre, celle du gris de fer. Les joues étaient plus pleines, et la peau blanche semblait sous-tendue de vermeil. La bouche était plus rouge que jamais, car il y avait sur les lèvres des gouttes de sang frais qui dégoulinaient des commissures et coulaient le long du menton et du cou. On aurait même dit que les yeux profonds et ardents étaient bordés d'une chair gonflée, car paupières et poches étaient boursouflées. Comme si de toutes parts cet être effrayant était tout simplement gorgé de sang. Il gisait tel une sangsue dégoûtante, épuisé tant il était repu. Je frémis en me penchant pour le toucher, et tous mes sens répugnaient à ce contact. Il y avait sur ce visage boursouflé un sourire moqueur qui me rendit presque fou. Telle était donc la créature dont je facilitais le transfert vers Londres où, des siècles durant peut-être, il pourrait rassasier sa soif de sang parmi des millions de gens qui y grouillent et créer un nouveau cercle qui s'élargirait sans cesse de semi-démons destinés à s'engraisser aux dépens d'êtres sans défense. Il entre dans ma chambre par la fenêtre ouverte, se glisse sous mes draps, me caresse le ventre, il me croit endormi, je ne fais que sanglant, je me tourne vers lui, il me montre les dents, Dracula, ferme-moi dans tes Dracula. Reste encore près de moi, Cula. Ne t'en va pas déjà, Cula. On a entendu un extrait du chapitre 4 de Dracula de Bram Stoker dans la traduction d'Alain Morvan, interprété par Frédéric Pierrot. On a entendu à la fin du texte cette idée de cette peur que exprime Jonathan Harker, qui est que ce vampire, en fait, élargisse son cercle de semi-démons destinés à s'engraisser aux dépens d'êtres sans défense. Je cite donc la fin du texte. On entend donc cette peur de la contamination par le sang. Mais dans ce texte, il a quand même une autre dimension que cette peur. Il est aussi du fantasme. Dracula est ici décrit, vous nous dites, comme une verge en érection. comme une verge gonflée de sang. Je veux dire, hein, la sangsue, c'est ça. Le vampire est une sorte de phallus ambulant et qui connaît et qui passe par toutes les étapes, la tumescence et puis la détumescence. Et ici, il y a quelque chose de tumescent. Je veux dire, les corps caverneux se trouvent gonflés de sang. Et la scène a quelque chose d'obscène. Je veux dire, il faudrait citer, convoquer ici Baudrillard, je vais le citer rapidement, dans l'obscénité, les organes sexuels, les corps, l'acte sexuel sont brutalement non plus mis en scène, mais immédiatement donnés à voir, c'est-à-dire à dévorer, dit Baudrillard. Je veux dire, effectivement, c'est l'obscène de Baudrillard, c'est l'abjection de Julia Kristeva, c'est quelque chose qui gît là, qui est gonflé de sang. Je rappelle le contexte brièvement. Jonathan Harker, nous sommes encore dans le premier tiers du roman, est enfermé dans le château. Enfermé, j'y insiste, comme Oscar Wilde sera enfermé à l'issue de son procès de 1815 pour sodomie. Donc, Jonathan Harker est enfermé et il cherche la clé de la porte qui lui permettrait de s'évader. Cette clé, pense-t-il, est dans les poches du comte. Donc, il faut lui faire les poches. Donc, il faut faire cette fouille à corps. Il faut toucher le corps du vampire. Et donc, on a cette vérité hideuse de la laideur absolument obscène qui vous saute au visage et qui pétrifie de façon méduséenne Jonathan Harker. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du vitalisme dans ce corps en érection, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intensité. Ce corps en érection, c'est la vie qui est à son plein, mais qui en fait frôle sa destruction, qui frôle la mort. Et là, on a véritablement, avec le sang qui électrise le corps, quelque chose qui va aussi le mettre en danger. Et ça, c'est véritablement intéressant de voir le sang, non pas seulement comme un lieu de circulation fluide, mais aussi comme une limite très ténue. Oui, merci de me tendre cette perche. J'ai souvent pensé qu'il fallait rapprocher le thème du vampire, du moins tel que Bram Stoker le traite, de ce bel ouvrage que signe Tristan Garcia, qui s'appelle « La vie intense, une obsession moderne ». Donc c'est sur l'électricité, c'est un ouvrage assez récent qui est paru en 2016. Voilà, dans lequel Tristan Garcia fait une sorte d'équivalence entre intensité et modernité. Nous sommes entrés dans la modernité lorsque nous nous sommes détournés de la transcendance pour aborder l'intensité. L'intensité, c'est effectivement l'intensité du fluide électrique et il y a matière, je crois, à faire un parallèle entre le fluide électrique et puis le fluide sanguin. Il y a intensité lorsque, effectivement, en se détournant de la constance, de la transcendance, de la sagesse, au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, on s'est, reporté, recentré sur la subjectivité de l'individu dont l'existence ne tient plus que dans une chose, la quête de sensation, la quête de l'intensité, toujours plus d'intensité, même si ça doit amener effectivement à terme, comme vous le disiez, la destruction. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver dans d'autres textes de ce roman de Bram Stoker, donc de Dracula, notamment en fait, parce que je parlais de fantasmes, vous avez parlé de peur, on a parlé, il faut un petit peu évoquer plus en détail ces fantasmes, des fantasmes d'ordre érotique. On a parlé de corps en érection, mais je vous propose d'écouter plus clairement des extraits du texte qui sont, on va le dire, érotiques, sexuels. À côté du lit, comme s'il était sorti de la brume, ou plutôt comme si la brume avait pris sa forme, car elle avait entièrement disparu, se dressait un homme grand et mince, entièrement vêtu de noir. Le visage de cire, le grand nez aquilin, sur lequel la lumière tombait en une fine ligne blanche, les lèvres rouges entr'ouverte qui laissait voir les dents acérées et blanches, et les yeux rouges qu'il m'avait semblé voir au coucher du soleil sur les vitraux de l'église Saint Mary's à Whitby. Mon cœur cessa un instant de battre et, si je n'avais pas été paralysé, j'aurais poussé un hurlement. Vous avez aidé à contrecarrer mes plans. Désormais, vous viendrez à mon appel. Quand mon cerveau vous dira « Venez !» Vous parcourrez terre ou mer pour exécuter mes ordres. Et voici pour vous y forcer. Là-dessus, il défit sa chemise d'un geste brusque et de ses ongles longs et pointus, il s'ouvrit une veine sur le torse. Lorsque le sang se mit à jaillir, d'une main, il prit les deux miennes, les serra fortement et de l'autre me saisit le cou et m'appuya la bouche sur cette blessure, tant et si bien qu'il me fallait ou suffoquer ou avaler une dose de... Oh mon Dieu, mon Dieu, qu'ai-je fait là ? Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort, moi qui, toute ma vie, me suis efforcé de suivre le chemin de la douceur et de la droiture ? Dieu, ayez pitié de moi. Daignez regarder à vos pieds une pauvre âme qui court un danger plus que mortel. Et dans votre miséricorde, prenez en pitié ceux à qui elle est chère. Mina, drink and join me. In eternal life. Buvez et rejoignez-moi dans la vie éternelle. Non, oh, je ne le permettrai pas. Pitié, je n'attends que ça. Mina, vous serez comme moi condamnée à errer dans les ombres de l'enfer pour toute l'éternité. Je vous aime trop pour vous damner. Alors, emmenez-moi loin de ce monde de mort. Voilà un exemple d'intensité maximale dans le roman de Bram Stoker, Dracula, adapté ici par Coppola en 1992, où on entend Mina sucer le sang de Dracula jusqu'à l'orgasme. Alors là, on est vraiment dans une dimension clairement érotique du roman, où le sang fait à valeur, en fait, joue le rôle, en fait, de cet érotisme, de cette sexualité, mais aussi, en fait, de l'infection, plus que la contamination, de l'infection. Oui, il y a beaucoup de choses dans cet extrait, on ne sait plus par où commencer. Commençons peut-être par le début. Disons que c'est d'abord une scène de seconde vue, c'est-à-dire que la scène en question a déjà été, livrée au lecteur du roman, racontée du point de vue des hommes, se sont fait les spectateurs de la scène. Mais ça ne suffit pas, apparemment. Et donc, du coup, il faut... c'est Van Helsing qui s'en charge, vous savez, le grand inquisiteur, le chasseur de vampires, qui chasse le vampire à coups d'hostie consacrée et de gousse d'ail, évidemment. Mais donc Van Helsing demande à Mina de raconter comment ça s'est passé, depuis son point de vue. Et ici, il ne faudrait pas trop pousser le texte pour y voir, dans cette demande formulée par les hommes de manière assez combinatoire, la volonté de savoir, chère à Michel Foucault, dans son livre « Je sais contester », mais où il évoque notamment cette manière de mettre au pas la sexualité, de la régler à force de la rendre scientifique. Et donc ici, on a clairement un homme qui met à la question la femme pour qu'elle raconte quoi ? Voilà, je sais que j'ai sans doute l'esprit mal placé, mais les lecteurs du temps l'avaient aussi, sans doute. Mais on voit là une scène de vampirisme, mais chacun y voit peut-être aussi autre chose. Et c'est la faculté de ce texte. À savoir une scène de sexe. Une scène de fellation, c'est-à-dire que c'est le sexe oral, je veux dire. Le mot sur lequel, du reste, Mina bute, Hein. Techniquement, on appelle ça une aposiopèse, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir continuer, on s'interrompt. Hein. Je me demandais s'il fallait que je suffoque ou j'avale une dose de... Trois petits points. Alors, on est en proie au doute. Est-ce que c'est le sang ou est-ce que c'est le sperme? Je veux dire, c'est les deux, mon capitaine. Et évidemment, hein, il y a là comme une assimilation qui est la marque de la sexualisation à outrance. Dracula est le prédateur sexuel, mais on note une drôle d'inversion tout de même. C'est-à-dire que... C'est Mina qui suce, c'est Mina qui avale, et c'est Dracula qui se dénude, n'est-ce pas? Il dénude son torse avantageux, il met sa poitrine à l'air, et comme un petit chaton, Mina le tête en le suçant. Enfin, je veux dire, c'est quand on y pense, c'est tout à fait scandaleux, c'est tout à fait réjouissant, jubilatoire. En anglais, il y a une expression qui dit « to get away with murder », c'est-à-dire on accomplit un meurtre, mais on est parfaitement impuni, en toute impunité. Et Bram Stoker, l'écrivain, il nous livre ça, à nous de nous débrouiller avec nos pulsions, nos fantasmes. Hein. Mais après tout, les pocket lecteurs, c'est bien connu, hein, il fait ce qu'il veut. Tourne la page et passe à autre chose. Mais c'est vrai que la lecture de Dracula nous met dans un drôle d'état où on ne sait pas finalement si on ne devient pas complice de Dracula en assistant à ce genre de scène. D'autant plus, comme vous l'avez dit, que Mina raconte plusieurs fois, et on se demande si les personnes censées l'aider dans le roman, mais nous aussi lecteurs, ou du moins être empathiques, nous ne sommes pas complices à se réjouir du moindre détail en plus qu'elle va donner du fait qu'on la force littéralement à sucer le sang, mais en fait à faire une fellation. Voilà, on la force à parler, on la force à faire une fellation. Manière, est-ce qu'on sauve pas Dracula de cette manière-là? Est-ce qu'on n'est pas plus que complice? C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de nous-mêmes, on est infecté à travers les pages par le sang de Dracula. Oui, c'est la littérature dans ce qu'elle a de plus fort. Hein, c'est-à-dire que d'une certaine façon, elle infecte. L'une des sources du vampirisme. Historique ou littéraire, on pourrait l'avoir dans un grand poème du poète romantique Coleridge, Le Dit du vieux marin, dans lequel effectivement on voit que le récit est quelque chose qu'il faut absolument se repasser, parce que le récit contient quelque chose de potentiellement contaminateur, comme vous disiez, de dangereux, de sulfureux, et donc du coup il faut toujours le passer à d'autres, et c'est ce que fait, je pense, Bram Stoker. C'est ce que fait aussi Coppola, si je devais franchir le pas, hein, entre le roman et son adaptation filmique. Ce que fait Coppola, c'est que il nous rend proche du vampire. Il en fait une victime plus qu'un bourreau. Il instaure une forme de, plus que même de complicité, mais peut-être de sympathie. C'est-à-dire qu'il, sympathy with the devil, hein, c'est-à-dire qu'il nous rend le diable sympathique. Il nous rend, l'altérité du vampire se trouve quelque part gommée, se trouve quelque part escamotée. Le vampire, ce n'est plus l'autre, ce n'est plus le repoussoir, ce n'est plus le bouc émissaire. Eh bien, c'est nous, dans nos pauvres tourments amoureux, dans nos propres stratégies, démarches amoureuses, dans nos propres fragments d'un discours amoureux. Enfin, je veux dire, hein, l'objectif ultime de Coppola, avec lequel on peut être en désaccord, hein, mais qui produit, je vais dire, un beau film, c'est d'arriver à établir, oui, voilà, une forme de... On est plus empathique avec le bourreau qu'avec les victimes. Presque. Oui, quasiment. Mais alors quand même, on va finir cette émission, Marc Poré, avec, si je puis dire, la fin de Dracula, en tout cas la mort d'un vampire. C'est la mort de Lucie, une amie de Mina. Et on va entendre à la fois un extrait du film de Coppola et donc un extrait du roman de Bram Stoker. Lucie ! Come to me, Arthur. Leave these others and come to me. Mes bras, au fin de vous, mon amour. Caressez-moi et embrassez-moi, mon cher. Je vous en prie. Le Christ est avec nous. Arthur prit le pieu et le marteau, et une fois qu'il fut résolu à agir, on ne vit aucun tremblement, ni même aucun frémissement de ses mains. Van Helsing ouvrit son missel et se mit à lire. Quincé et moi suivîmes du mieux que nous pûmes. Arthur posa la pointe sur le cœur. En regardant la scène, je vis le creux qu'elle faisait sur la chair blanche. Puis il frappa de toutes ses forces. La chose présente dans le cercueil se tordit. Un cri strident, hideux, a glacé le sang, sorti des lèvres rouges qui s'étaient ouvertes. Le corps fut pris de secousses, de frémissements, et il se tortilla en de frénétiques contorsions. Les dents acérées et blanches mâchonnèrent et finirent par entailler les lèvres, tandis qu'une écume cramoisie barbouillait la bouche. Mais à aucun moment, Arthur ne faiblit. On eût dit l'image de Thor, avec son bras qui, sans trembler, se levait et s'abattait, enfonçant de plus en plus profondément le pieu porteur de miséricorde, tandis que, provenant du cœur transpercé, le sang sourdait et giclait autour de celui-ci. Il avait le visage figé de résolution, comme rehaussé par l'éclat d'une impérieuse mission. Le voir ainsi nous faisait prendre courage, si bien que nos voix semblaient résonner au travers de ce petit caveau. Et puis les contorsions et les tremblements du corps allèrent diminuant. Les dents cessèrent de mâchonner et le visage de frémir. Il finit par s'immobiliser. La terrifiante tâche était accomplie. C'est donc la mort de Lucie qui est devenue vampire. C'est le chapitre 16 de Dracula de Bram Stoker, interprété par Frédéric Pierrot. Mais c'est une mort paradoxale, Marc Poré, parce que d'un côté, on doit tuer le vampire qui nous veut du mal, qui nous contamine, qui veut élargir son cercle. Mais en même temps, on a besoin de cette figure du vampire comme cette figure qui nous fait peur et qui va incarner une partie de notre psychisme, qui incarne très clairement le mal. Qui incarne le mal, oui, et il faut bien triompher du mal. C'est en cela que le roman est normatif et tout à fait victorien. Le mal est vaincu, le vampire est détruit. Mais revenons un instant sur cette scène grand guignolesque tout de même. Vous avez quelques secondes pour le faire, à peu près 30 secondes, une minute. Oui, c'est une sorte de viol collectif. Enfin, je veux dire, il faut le dire comme les choses se présentent. Il y a quelque chose d'absolument hystérique, hein, dans cette façon de mettre au pas la sexualité de la femme. She wants blood, elle a besoin de sang, elle manque de sang, mais elle veut le sang. Et donc du coup, il faut éliminer la femme comme on élimine le vampire, de façon à pouvoir envisager des matins radieux. Merci beaucoup Marc Poré de nous avoir parlé de Dracula, du vampire de Dracula de Bram Stoker. Il faut absolument lire le livre de Bram Stoker, vous le trouverez aux éditions Gallimard. Traduction, présentation et annotation d'Alain Morvan, c'est dans un volume qui s'appelle Dracula et autres écrits vampiriques. Et puis de vous Marc Poré, on peut aussi lire Dracula Gramophone, c'est un article qui est paru dans la revue Lisa, volume 7, numéro 3 en 2009. Et puis chers auditeurs, chères auditrices, écoutez le concert fiction radiophonique adapté donc de Bram Stoker, du Dracula de Bram Stoker, réalisé par Cédric Aussire pour France Culture et avec Laurent Poitrenaud. Merci encore. Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Tu peux